Chapitre 11e, Helstonleigh. La diligence de Birmingham arrivait un soir dans la petite ville de Helstonleigh et s'arrêtait devant l'hôtel de l'Étoile. Une dame et une petite fille descendirent de l'intérieur, un monsieur et trois garçons quittèrent l'impérial. Ces derniers ruisselaient de pluie. Presque aussitôt après le départ de Birmingham, la pluie avait commencé à tomber à torrents, et les voyageurs de l'impérial l'avaient complètement reçue. Nous avons déjà reconnu en eux les Halliburton. Car c'était à Helstonleigh, la ville où résidait sa cousine, Madame Dare, que M. Halliburton avait décidé de s'établir. La figure de Madame Halliburton s'allongea à la vue de son mari. « Oh Edgar, tu es mouillé jusqu'aux os !»« Oui, mais il n'y avait pas moyen de ne pas l'être. »« Tu aurais dû changer de place avec moi quand je te l'ai proposé, » s'écria-t-elle tout inquiète. « Et tu serais monté sur l'impérial. Quelle folie, Jane !» Jane regarda l'hôtel. « Nous ferions mieux de passer la nuit ici, qu'en dis-tu ? » ?»« Oui, il fait trop sombre pour que nous allions à la recherche de quelque chose de moins coûteux. Demande si nous pouvons avoir des lits, Jane, pendant que je surveillerai le bagage. » Madame Halliburton entra, suivie de Jenny, et fut reçue par une petite bonne à l'air sémillant et à la langue bien pendue. « Pouvons-nous passer la nuit ici ? » demanda Madame Halliburton. « Oui, madame, combien vous faut-il de lits ? » « Je monterai les boire avec vous. Ayez l'obligeance de ne pas nous mettre dans vos plus belles chambres, » ajouta-t-elle plus bas. La domestique la toisa des pieds à la tête à l'ouïe d'une pareille demande. Quelque simple et modeste que fussent son costume et ses manières, il y avait dans l'accent et la tournure de Madame Halliburton quelque chose qui força la servante à se montrer polie. « Je ne m'occupe pas de ces lits, » dit-elle. « Je vais appeler la femme de chambre. » « Mon Dieu, monsieur, vous feriez mieux de changer de vêtements si vous ne voulez pas prendre froid. » Ces derniers mots s'adressaient à M. Halliburton. Il paraissait plus grand, plus maigre qu'autrefois. Mais il avait une toux sèche, ses joues avaient une tache rouge et ses habits dégouttaient d'eau. La femme de chambre leur prépara des lits. M. Halliburton se coucha et but un verre de vin chaud. Jane, après avoir déballé ce dont ils avaient besoin pour la nuit, retourna à la salle à manger près de ses enfants. Une brave servante, émue à la vue des trois frères tout mouillés, leur avait allumé du feu. Jenny s'était endormie la tête sur une chaise, ses boucles dorées lui servant d'oreiller. Les trois garçons se reculèrent d'un côté de la cheminée pour laisser la meilleure place à leur mère. William lui approcha une chaise. Elle posa sur la table la Bible et le livre de prière qu'elle tenait à la main et s'assit. « Maman, j'espère que papa ne sera pas malade. Oh, William, je le crains. Une pareille pluie, et il est resté si longtemps. Comment se fait-il qu'il était plus mouillé que vous ?»« Parce qu'il était assis au bout de la banquette et que le monsieur à côté de lui ne l'abritait pas du tout. Quand la pluie a commencé, quelques-uns des voyageurs avaient des parapluies. Nous trois, nous en avions un entre nous et nous étions entre deux gros hommes qui nous aidaient à sécher. Quel dommage qu'il n'y ait pas eu de place à l'intérieur pour papa. » « Oui, ou bien pourquoi n'a-t-il pas voulu prendre la mienne ? L'humidité ne m'aurait pas fait autant de mal qu'à lui. » « À quel endroit lui ai-je demandé de changer, William ?»« À l'équipe, maman. Tu n'as pas pris de thé. »« Je n'ai pas faim, » soupira-t-elle. Ce soir-là, quelque chose lui parlait d'épreuve et de malheur. Elle se tourna vers la table, coupa un morceau de pain et se versa un peu de lait. « Chère maman, demande du thé, » cria William. « Il n'y a là que du lait et de l'eau. » Elle secoua la tête. Le thé ne serait qu'une dépense de plus. « Je vais lire maintenant, » dit-elle en prenant la Bible, « et après, vous ferez mieux de faire votre prière ici près du feu, puisque vous avez été si mouillés. » Elle choisit un court psaume et le lut à haute voix, puis les quatre enfants s'agenouillèrent respectueusement. « Vous est-il jamais arrivé de vendre de vieux meubles qui avaient bon air encore dans l'appartement où vous les aviez toujours vus, mais qui, étalés au grand jour, vous avaient rendu à moitié honteuse ? » Si M. Halliburton avait prévu le résultat de sa vente à l'enchère, jamais il n'aurait consenti à s'en séparer. Mieux aurait valu les emporter à Helstonleigh. Toutes leurs ressources en arrivant dans cette ville étrangère se montaient à 3 000 francs. Il avait fallu payer des dettes avant de quitter Londres, et leur propriétaire avait réclamé le terme entier de leur loyer. Et c'était avec ces 3 000 francs qu'il fallait acheter des meubles et subsister jusqu'au moment où viendraient les leçons. Le matin pur et brillant se leva. M. Halliburton n'avait pas en apparence souffert. Ses membres étaient bien un peu courbaturés, mais cette légère souffrance aurait disparu avant la fin du jour. Il voulait tout de suite se mettre en quête d'une petite maison simple et modeste. « Un endroit salubre, sec, un peu en dehors de la ville ?» répéta l'aubergiste de l'Étoile auquel ils communiquèrent leurs désirs. « Vous trouveriez peut-être cela sur la route de Londres. Il y a de ce côté-là des maisons dans le genre de celles que vous demandez. » On leur indiqua le chemin d'un des faubourgs où ils découvrirent une maison dont l'apparence leur plut. C'était un corps de logis entouré d'une grille de fer et un peu en dehors de la route. De chaque côté de la porte d'entrée, un salon, la cuisine tout au fond. Au premier, trois chambres à coucher et au-dessus des chambres, un grenier auquel les poutres servaient de plafond. Derrière la maison, un petit jardin, au-delà un champ. Le second corps de logis, exactement pareil, possédait de plus un jardin potager. Le locataire de cette habitation les introduisit dans celle qu'il voulait voir. C'était une quaqueresse aux traits réguliers, au teint frais, aux yeux bleus calmes et doux. « Le loyer de la maison est de 32 livres, 800 francs, par an, » répondit-elle aux questions de Madame Halliburton. « Elle appartient à Thomas Ashley, mais ce n'est pas à lui que tu dois t'adresser. Il y a un agent chargé du loyer de ses propriétés, c'est Anthony Dare. Vous trouverez la maison agréable et salubre, si vous vous décidez, » ajouta-t-elle en parlant à tous les deux. Ce dernier nom avait frappé M. Halliburton. « Jane, » dit-il tout bas à sa femme, « ce doit être le monsieur qui a épousé ma cousine Julia. Il s'appelait Anthony Dare. » M. Halliburton se rendit seul au bureau de M. Dare. Mme Halliburton retourna vers ses enfants. M. Dare était à Londres avec sa femme, lui dit un commis, mais il avait accordé à son premier clerc la permission de louer la maison. M. Halliburton donna quelques détails sur sa position, mais il n'avoua pas qu'il était parent de Mme Dare. Il fallait s'occuper des meubles. Le clerc lui indiqua un tapissier chez lequel il se rendit avec sa femme. Malgré leur économie, 50 livres, 1 200 francs, y passèrent. Un tapis fut acheté pour la plus belle des deux pièces du rez-de-chaussée, qui devait servir de salon et de salle à manger. La seconde fut convertie en salle d'études, et les chambres à coucher devaient se dispenser du tapis. « Nous achèterons tout cela, qu'on nous remontera un peu sur l'eau, » disait M. Halliburton.